Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro du MAG sur Radioactive. Et non, vous ne rêvez pas, ça y est, le soleil a fait son grand retour, l'occasion enfin de sortir sans son parapluie. Et des propositions d'activités en extérieur, il y en a en ce mois de juin. Aujourd'hui, on vous emmène justement du côté de Nazelles-Négron à la rencontre d'Edith Perrotin, chargée des animations à la bibliothèque, un lieu culturel incontournable et dynamique sur la commune. Comme en témoigne cette interview réalisée à l'occasion de la journée de la biodiversité le 15 mai dernier à Nazelles, une thématique nature que soutient activement l'équipe de la bibliothèque au travers de différentes actions. On écoute Edith nous parler notamment d'un atelier Land Art qu'elle a proposé aux enfants, mais également des animations à venir, dont un temps de jeu et de lecture prévu ce mercredi 5 juin, parc des Courvoyeurs en face de la bibliothèque de Nazelles. Je suis Edith Perrotin, je suis chargée des animations à la bibliothèque de Nazelles-Négron. Très bien, alors aujourd'hui vous avez proposé un stand avec une animation donc sur cette journée de la biodiversité. De quoi s'agissait-il ? Alors c'était des activités Land Art. Le Land Art consiste en fait à créer des petits tableaux, des petites choses que d'habitude on fait en pleine nature et ce sont des œuvres éphémères qui ensuite vont disparaître à cause du vent ou à cause d'autres éléments. Mais là aujourd'hui on était installés sur des tables, donc les enfants pouvaient sur des petits cadres en carton créer des petits tableaux à partir d'éléments de la nature qu'ils ont été chercher pour certains. J'avais aussi apporté des fleurs, des petites feuilles ou des petites tiges ou des petits cailloux, des petits morceaux de bois. Et chaque enfant a créé en fait un petit tableau. Nous l'avons ensuite pris en photo. Avec toutes ces photos, nous ferons une exposition dans la bibliothèque. Ça permettra aussi à ces enfants de venir à la bibliothèque pour venir rechercher aussi leurs petites photos. Super. Alors, c'est quoi le lien entre la bibliothèque de Nazelles et ce thème qu'est la biodiversité ? Alors nous, la bibliothèque de Nazelles, on est complètement intégrés dans les projets de la commune. La commune est très proche de tous les thèmes autour de la biodiversité. Et nous, donc la bibliothèque, on est complètement intégrés puisque nous avons à l'intérieur de la bibliothèque une grainothèque qui consiste en fait à faire des échanges de graines entre les adhérents ou d'autres personnes qui viennent soit déposer des graines, soit venir en rechercher. Nous avons fait différents ateliers justement autour de cette grainothèque où nous avons créé des petites enveloppes où des participants venaient déposer des graines et il y a eu de nombreux échanges autour de la nature, autour du jardin. Voilà, nous sommes souvent aussi très au courant du jardin partagé qui existe à Nazelles-Négron. Auquel participent les enfants qui étaient présents d'ailleurs cet après-midi. Cet après-midi, nous avons eu le centre aéré en effet de l'Émile Pote qui est venu nous voir avec différents groupes d'enfants et qui connaissent très bien le jardin partagé puisqu'il est juste à côté de l'école et à côté du centre de loisirs. Et puis donc aujourd'hui, le centre de loisirs est aussi venu participer à tous les ateliers. Ils ont construit notamment des petites boules de graines aussi. Ces petites boules de graines seront distribuées aux enfants lors d'une manifestation puisque à Nazelles-Négron, on va aussi récompenser en tout cas, oui c'est une façon de les récompenser, les jeunes de la commune et on offrira aussi une petite boule de graines pour que leurs parents puissent planter aussi des petites graines ou des petites choses dans leur jardin. Eh ben c'est super, en dehors de cette participation, il y a des événements publics qui sont proposés par la bibliothèque de Nazelles. Alors est-ce qu'il faut être nazellois pour venir fréquenter la bibliothèque et venir aux animations qui sont proposées ? Alors pas du tout. Toutes les activités qu'on propose avec ma collègue Véronique sont gratuites et sont ouvertes à tous. On n'est pas obligé d'être adhérent. Je propose des après-midi jeux. Je propose des ateliers créatifs, je propose des cafés lectures pour les adultes. Toutes ces manifestations sont gratuites et tout le monde a le droit de venir. C'est libre. C'est libre. Voilà, c'est libre. Et puis ensuite, si on veut devenir adhérent à la bibliothèque, je rappelle que c'est gratuit pour tous les Nazelliens et les enfants. C'est payant seulement pour les adultes qui habitent hors de la commune. D'accord. Mais les enfants hors commune auront leur adhésion pour un an gratuite. D'accord. Est-ce qu'il y a des événements à venir dont vous voudriez nous faire part ? Nous allons avoir le mercredi 5 juin le matin. Je serai dans le parc des Courvoyeurs, qui est en face de la bibliothèque, en face du centre culturel. Nous proposerons des jeux, mais il y aura aussi un conteur, Jean-François Talon, qui est très connu dans la région, et qui viendra aussi raconter des histoires ce matin-là, en ma compagnie, autour justement de la nature encore. L'après-midi, du coup, je fais des ateliers créatifs autour de la nature et je pense c'est en train de se construire mais ça sera autour des martinets avec l'association SOS Martinets ici présente cet après-midi. Donc nous créerons des choses autour des oiseaux avec les enfants l'après-midi. La bibliothèque sera présente à Nazel Négron en fête, au début juillet. Voilà pour l'instant, je crois que j'oublie quelque chose. Ah si, j'ai encore une après-midi jeu au parc des Courvoyeurs, ça sera du coup en plein air, un mercredi soir aussi. Je ne me souviens plus de la date, mais voilà. De toute façon, toutes ces infos, on peut les retrouver où par exemple ? Alors, sur le Facebook ou sur le site de la mairie de Nazel Négron. En appelant la bibliothèque de Nazel Négron, moi-même j'envoie des newsletters à mes adhérents et j'envoie des mails à toutes les écoles, toutes les structures concernées, soit parce qu'il y a des enfants, soit parce qu'il y a des jeunes. Voilà. Et j'ai oublié de rajouter, mais j'y tiens, je fais beaucoup d'animations, j'essaye chaque année d'en faire avec des ados et je fais venir en même temps le club de Possé-sur-Six. Et la dernière animation qui a eu lieu, c'était avec Cyclic, il y a une journée entière sur les effets spéciaux. Et donc il y avait une quinzaine de jeunes qui sont venus toute la journée, qui ont créé des mini-films avec des effets spéciaux, voilà, avec le club de Possé. Bah, bravo pour cette dynamique, Edith, bravo. Merci, de rien. On recommande à nos auditeurs de prendre contact avec vous pour voir toutes les animations que vous proposez et tous ces événements qui sont ouverts, on le rappelle, puisque c'est en accès libre. Tout à fait, c'est gratuit et on vous attend très nombreux. Merci beaucoup. La bibliothèque de Nazel est ouverte au public le mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h, et puis le samedi de 9h30 à 13h et puis de 14h à 17h. Vous pouvez compter sur l'accueil chaleureux de cette équipe. C'est la fin de ce mag, merci de nous avoir suivis et à mercredi 18h pour un nouveau numéro.